sweet. Bébé, un joli loqueton, tous pour moi, oui, fais-moi cadeau. Y'a personne en face, trop d'avant, j'ai tant tout, ils sont restés dans mon dos. J'ai les plugs, mamie, j'ai les clés, tout ce qu'il faut, je très gros réseau. On va bien, faut pas t'inquiéter, bébé. J'suis dans ça, tu connais. Mon casque à la porte, si c'est fermé. C'est la banque que j'ai remonté. Elle aime quand ses bras sont dans la nuit. Oh, baby, je vais t'emmener. Mon casque à la porte, si c'est fermé. C'est la banque que j'ai remonté. Fais ça, belle, je viens te chercher. Pour la monnaie, faut se lever, toi. Pour ma part, faut le haut niveau. Ma chérie, j'aime pas les blèmes trop. Elle voudrait que je sois son Roméo. Position. Je réfléchis. J'y pense. Je réfléchis. J'y pense. Partout, comme à la maison. J'suis prêt, comme son embêtant. Ma déchaîne, y'a que des leçons. Son bibi veut manger maintenant. Alors, on va pour n'en pas de sang. Y'a personne qui fait semblant. Bélier, on te rend dedans. Moi, si je pars, je fais. Pour la monnaie, faut se lever, toi. Pour ma part, faut le haut niveau. Ma chérie, j'aime pas les blèmes pro. Elle voudrait que je sois son Roméo. Position. Je réfléchis. J'y pense. Je réfléchis. J'y pense. Pour la monnaie, faut se lever, toi. Pour ma part, faut le haut niveau. Ma chérie, j'aime pas les blèmes pro. Elle voudrait que je sois son Roméo. Position. Je réfléchis. J'y pense. Je réfléchis. J'y pense. Je réfléchis. J'y pense. Je réfléchis. J'y pense.